One shot, Anaël. Quelques pas, 5 tout au plus. Seul le palier la séparait encore de la porte qui ferait tout basculer. Sa gorge se nouait, son pouls s'accélérait à mesure que les secondes s'égrenaient. Elle prit une longue inspiration, puis expira doucement l'air à peine réchauffé. Elle se remémorait comment elle en était arrivée là, et le chemin qu'elle avait parcouru depuis le soir où ils avaient parlé librement de leurs fantasmes. Presque une année s'était écoulée depuis, pourtant elle arrivait encore à imaginer chaque détail, la tenue qu'elle portait, la position dans laquelle elle se tenait, tête posée sur sa cuisse, ses yeux pétillants de bonheur de pouvoir communiquer ainsi sans aucun tabou. Pénétrer dans les pensées les plus secrètes de l'être aimé n'était assurément pas à la portée de tous. Elle se sentait privilégiée. Elle ne fut pas plus surprise que ça quand il lui apprit qu'il souhaitait posséder une autre femme. Peut-être pensait-elle qu'il s'agissait d'un fantasme masculin répandu. À sa demande, il lui écrivit une petite histoire les mettant en scène tous les trois. Une façon simple de se projeter dans cet inconnu et d'imaginer comment cela se passerait si un jour ce rêve devenait réalité. Il se livra à elle en toute transparence. Elle savait qu'elle aurait dû lui en être profondément reconnaissante, n'était-ce pas ce qu'elle souhaitait? Cependant, au fil de sa lecture, divers sentiments qu'elle avait peut-être pris soin d'occulter à l'annonce de ce souhait s'emparèrent d'elle. La jalousie, d'abord. La crainte qu'il désire l'autre femme plus qu'elle-même, ou qu'elle soit plus jolie. La tristesse, lorsqu'elle imaginait ses mains posées sur cette autre femme, puis la colère. Elle lui en voulait, ni plus ni moins, sans vraiment savoir pourquoi. Lui reprochait-elle simplement d'avoir ses pensées? Rien ne l'obligeait à les lui dévoiler. C'était une marque de confiance, et elle se devait d'être assez ouverte d'esprit pour les accepter. Elle essayait de se contenir, de réfréner ses sentiments. Ce n'était qu'une fiction, rien de tout cela n'était vrai. Mais elle n'était plus en mesure de discerner entre désir et réalité. Les larmes roulaient sur ses joues. Il désirait une autre femme qu'elle. Il voulait la toucher, la caresser, et elle en était profondément blessée. L'incompréhension laissa place au silence. Ne plus en parler était peut-être une solution. Ils firent tous deux comme si cet échange n'avait jamais existé, pour son bien, pour le bien de leur couple. Elle ne pouvait cependant se résigner à oublier cette idée. Elle y repensait régulièrement, parfois dans les moments les plus inattendus. Lorsqu'il lui faisait l'amour, les yeux fermés, elle l'imaginait passant les mains sur un autre corps, semblable au sien. Elle l'imaginait cette femme. Même si elle était incapable de lui donner un visage, elle percevait le plaisir qu'il éprouverait. Au fil du temps, elle se surprenait elle-même à être excitée en visualisant ces scènes, et même à jouir en imaginant la bouche de son conjoint posée sur une autre chatte. Elle se sentait prête, prête à offrir à son maître l'inacceptable. Ce qui aurait été encore il y a peu impossible dans leur vie vanille de mari et femme. Son ressenti avait changé. Aussi étrange que cela puisse paraître, la jalousie n'existait plus, elle n'avait plus de sentiments négatifs, elle n'avait plus peur, elle ne se sentait pas en danger. Ils en avaient longuement discuté. Il avait su trouver les mots. Sa place n'était pas à prendre, il n'y avait qu'une seule femme dans sa vie et c'était elle. Ils définirent ensemble les accords et les limites. Il n'y aurait pas d'amour, pas de sentiment, pas de désir par la suite, plus de contact. Un one-shot, du sexe pour le sexe, de la domination et de la soumission. Il ne s'agissait pour eux ni de libertinage, ni d'infidélité, mais d'un moment de complicité. C'est elle qui fut chargée de trouver la perle rare, sans vraiment savoir où chercher ni comment s'y prendre. Elle jetait des bouteilles à la mer, ici et là, assise derrière son clavier sur des clubs de rencontres, des forums, des sites de BDSM. L'une de ces bouteilles à la mer fut ramassée par une brunette de 35 ans, à peine plus âgée qu'elle. Elle se prénommait Cassandre. La fille n'était peut-être pas parfaite, mais elle la trouvait belle. Elle la désirait probablement autant que lui. Elle aimait ses yeux, sa bouche charnue sur laquelle elle aimerait poser les lèvres. Le feeling passait bien et après quelques échanges, elle comprit que c'était Cassandre l'élu. La seule et unique rencontre devrait avoir lieu dans 2 semaines. Et curieusement, elle était devenue impatiente de vivre ce moment au sein même de leur foyer. Elle l'entendit arriver, mais n'eut pas l'autorisation de la voir. Elle se prépara pendant que son maître faisait la connaissance de Cassandre, sans chercher à distinguer leurs paroles, même si elle aurait donné cher pour se transformer en petite souris. Mais telle n'était pas sa place. Elle se devait d'obéir et de respecter les consignes. Elle mit un bustier noir, lacé dans le dos, fermé par de larges attaches en métal allant de la poitrine à la taille. Un tanga noir, des bas, des escarpins, comme il le lui avait demandé. Elle avait forcé, plus qu'à l'accoutumée, sur le maquillage au niveau des yeux, les soulignant d'un profond noir ébène. Elle guettait son portable posé près du lavabo. Il n'y avait plus un bruit dans la maison. 18h30. Elle reprit une grande inspiration et s'approcha de la porte de leur chambre, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle toqua 2 fois. Son maître la rejoignit aussitôt sur le palier. Elle eut juste le temps d'apercevoir l'atmosphère de la chambre bercée par les flammes jaune-orangées des bougies. Rien de plus. Il se plaça derrière elle, lui mit un bandeau sur les yeux. Elle en avait l'habitude, mais n'avait pas imaginé les choses ainsi pour ce moment si particulier. Il la fit pénétrer lentement dans cette pièce qui était la leur. Lieu d'amour, d'échange, mais aussi de séance. Le lit conjugal allait pour la première fois être partagé avec une inconnue. Il lui demanda de prendre sa position. Sans réfléchir, elle s'agenouilla, tête baissée, mains posées à plat sur ses cuisses écartées, dos droit. Tous ses sens étaient en éveil. Le silence était total, mais elle perçut un souffle près d'elle. Une main douce et tremblante se posa sur la sienne, la serra brièvement dans un geste tendre rempli de douceur. Cassandre cherchait peut-être à la mettre en confiance ou désirait au contraire être réconfortée. Aucune parole échangée, mais cette attention suffit à humidifier ses yeux sous le bandeau. Cassandre, sa sœur soumise, se tenait près d'elle. Elle ignorait si elle avait également les yeux bandés. Mais elle était assurément dans le même état qu'elle, le cœur prêt à exploser. Elle vivrait ce moment ensemble dans le partage et l'abandon. Après avoir refermé derrière sa nuque le collier de cuir noir orné d'un anneau, son maître rappela à chacune les mots d'alerte. Il s'agissait d'un code couleur, facile à retenir. Vert, j'en veux plus. Jaune, vous approchez de mes limites. Rouge, je veux que ça s'arrête. Car même s'il est difficile pour une soumise de l'accepter, elle a toujours le choix. Il lui demanda de placer les mains devant elle, paume vers le haut. Une mélodie aux sonorités mystiques emplit la pièce. Un espace hors du temps était en train de se créer. Il posa sur ses mains une chaîne. Elle n'eut pas de mal à deviner qu'il s'agissait d'une laisse accrochée au collier de Cassandre. C'était hautement symbolique. Son maître ne posséderait cette autre femme qu'avec son consentement. C'était à elle que revenait ce choix. Elle leva les mains vers lui, en lui présentant l'autre femme, comme s'il s'agissait d'une cérémonie officielle. Il ne s'agissait pourtant pas d'un jeu, bien au contraire. Tout cela avait un sens. Elle dit d'une petite voix vacillante « Maître, je vous offre cette soumise. Utilisez-la comme bon vous semble pour votre plaisir. » Elle devinait son sourire et sa fierté. Il détacha la laisse, les fit se mettre debout. La séance pouvait commencer. Il leur demanda de se déshabiller, puis de se placer nues, l'une contre l'autre. Le maître passa les cordes autour d'elle. L'âpreté du jute lui léchait la nuque, les omoplates, la taille. À chaque tour de corde, son corps se rapprochait de celui de Cassandre. Ses seins vinrent s'écraser contre son dos. Les courbes de son bassin accueillirent ses fesses. Leurs mains enlacées étaient maintenues fermement contre ses cuisses. Elle était si proche qu'elle sentait le parfum suave de sa peau. Ensemble, elles ne formaient qu'un. Elle offrait ses fesses, tandis que Cassandre offrait sa poitrine. Le maître tournait autour d'elle lentement, très lentement. Ça en devint oppressant. Puis, un bruit de cuir, de martinet, de lanière échauffa leur corps, tout en le préparant à en recevoir davantage. Une alternance de coups et de cuir effleurait simplement leur peau ou la caressait sensuellement pour faire naître le désir jusqu'à ce qu'intérieurement la soumise soit prête à supplier le maître pour goûter davantage aux morsures. Les coups s'estompèrent, créant une frustration passagère, puis reprirent une danse plus intense. Des cris de surprise, de douleur se mêlaient. Chaque impact fut partagé. Lorsque le martinet s'abattit sur les seins, le ventre, le dos, les fesses, elles réagirent ensemble. D'un point de vue physique, les cordes ne leur laissaient pas le choix, mais il y avait surtout une communion entre deux âmes. Les genoux fléchirent en même temps. Leurs corps devinrent moites. Les doigts s'enlacèrent pour donner du courage ou simplement pour partager les émotions indescriptibles que seules deux soumises peuvent ressentir. À deux, elles étaient plus fortes. Quand l'une d'elles se laissait emporter par le plaisir, l'autre y succombait aussitôt. Le maître les détacha, ôta le bandeau de sa soumise, plongea les yeux dans les siens. Ce qu'il y lut le rassura. Elle aimait ce qu'elle vivait et n'en souffrait pas. Elle découvrit pour la première fois de ses yeux Cassandre, le corps rougi et marqué. Elle était encore plus jolie qu'elle l'avait imaginé. Sa nudité ne la gênait pas, ni même le fait qu'il puisse la regarder ou la toucher. Cela lui paraissait à cet instant simplement normal. Elle s'allongea sur le lit. Une bougie à la main, Cassandre et son maître firent ruisseler la cire sur son corps. La sensation était aussi délicieuse que cruelle. La cire semblait de prime abord la brûler, avant d'inonder son corps d'une chaleur diffuse très agréable. Au contact de sa peau, la cire se solidifiait, emprisonnant les pointes de ses seins, laissant une rivière sèche sur son ventre. Son maître sortit un couteau. La lame vint gratter sa peau pour retirer la cire refroidie. Elle n'avait pas peur, elle lui faisait confiance. Elle ferma les yeux, se laissa aller vers cet ailleurs, ce moment où plus rien n'existe, où tout n'est que sensation. La pointe de la lame vint parcourir sa peau. Sa langue se mêlait à celle de Cassandre. Le plaisir, la douleur, le plaisir qui permet d'aller plus loin dans la douleur, ou la douleur qui devint plaisir. Elle ne savait plus trop. La lame s'enfonça dans sa chair, la marqua aux initiales de son maître. Elle lui appartenait corps et âme. Il libéra sa queue qui déformait depuis longtemps son pantalon. Il suffit d'un regard pour savoir ce qu'il désirait. À quatre pattes sur le lit, les deux femmes vinrent lécher sa bite, titiller son gland de la pointe de la langue. Elles s'embrassèrent tout en le suçant. Ses râles de plaisir les incitaient à poursuivre. L'une d'elles le suçait pendant que l'autre lui lapait les couilles avec gourmandise. Il saisit la tête de Cassandre, l'incita à prendre son sexe entièrement plus loin. Elle devait s'ouvrir, s'abandonner. Il lui fit découvrir la gorge profonde, telle qu'il aimait. Elle eut un mouvement de recul, des hauts le cœur, mais ça ne l'arrêta pas pour autant. Il la fit recommencer. Elle s'écarta pour se placer derrière elle et fit glisser un doigt sur sa chatte. Mouiller n'était pas le bon terme. Cassandre était trempée. De sa langue, elle recueillit son doux nectar. Elle s'enivrait du parfum de sa chatte, si douce et parfaitement épilée. Son maître lui ordonna de la lécher, partout. Elle goûta donc à toute son intimité, puis remonta entre ses fesses. Elle aima l'entendre donner du plaisir à son maître, Leur gémissement l'excitait, et elle fut honorée lorsque la chatte de Cassandre inonda son visage de son orgasme. La séance se termina par l'objet de prédilection de son maître, le fouet. Côte à côte, main appuyée sur le mur pendant que l'épais serpent claquait sur leur dos, leurs fesses. Elle ne savait jamais pour qui allait être le prochain coup. La musique n'existait plus. Dans leur bulle, elle n'entendait que les halètements, cris, hurlements de plaisir. Ils avaient partagé avec cet inconnu, plus qu'avec personne, de la souffrance, de la jouissance, du bonheur, de la fierté, de l'abandon, de la passion, des sentiments qu'ils ne sauraient expliquer. Tous garderaient à jamais le souvenir de cet instant privilégié, bien loin des codes de notre société. Ils savaient pourtant que jamais ils ne se reverraient. Pendant quelques jours encore, elle garderait les marques éphémères de ce jour où tout était devenu réalité.